Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Pour marquer le coup, à l'occasion de la sortie de mon livre 2030 glorieuses Utopie vivante, j'ai décidé d'organiser des lives sur Instagram dans lesquels je donne la parole à des personnes qui, comme moi, ont décidé d'agir pour la construction d'un monde meilleur, mais aussi de raconter ce changement. Parce qu'ils sont, comme moi encore, persuadés de l'importance des nouveaux imaginaires, des récits. On en parle ensemble dans des lives Instagram de près d'une heure, et je trouve ces échanges tellement passionnants que j'ai décidé de les rapatrier sur le podcast 2030 Glorieuses. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Et aujourd'hui, présentement... On a la fameuse Camille Chaudron, encore matée. Yes. Oui, alors je suis vraiment désolée, Julien. Je suis actuellement, très présentement, en train de parcourir cette question des imaginaires parce que je suis actuellement au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Ça ne pouvait J'étais pas mieux tomber. J'étais censée rentrer hier, voilà. Mais sauf que j'ai prolongé mon séjour et que du coup, je suis encore là et du coup, dans des conditions un peu rocambolesques pour faire ce live. Mais moi, je suis quand même... C'est très d'actualité actuellement, donc je suis heureuse de participer. Eh bien, écoute, c'est le destin. Je suis très content de t'avoir parce que justement, en ce moment, on a beaucoup de sujets sur l'écologie. Peut-elle faire rêver? Doit-elle faire rêver? Qu'est-ce que ça veut dire les mondes d'après? Et je sais que nous, ça fait quelque temps qu'on se croise et qu'on a eu pas mal de projets en lien, des choses comme ça. Je te suis forcément via les réseaux sociaux. Toi, j'ai un parcours que tu as et qui me plaît et qui m'intéresse, notamment dans cette envie de, avoir ton mot à dire aussi sur ce qui potentiellement pourrait nous attendre et sur aussi la place de la joie, la place du bonheur dans cette recherche de remise au service du vivant. J'aimerais qu'on parle de tout ça. Mais est-ce que avant, pour les personnes qui nous regardent, qui ne te connaîtraient pas encore, tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. En tout cas, j'ai très hâte de parler de tout ça avec toi. C'est des sujets qui me passionnent et qui m'animent énormément et qui sont très vivants en moi actuellement et depuis quelques années maintenant. Du coup, en ce qui me concerne, je m'appelle Camille. Je suis média activiste, militante écoféministe et j'œuvre de toute ma force pour la protection du vivant et faire advenir une société différente de celle que l'on connaît, qui soit plus durable, plus résiliente, plus solidaire. Et du coup, ça passe par plein de moyens différents. Je suis conférencière, d'une part. Je fais du conseil en entreprise, d'autre part. Et très récemment, je me suis justement lancée dans l'écriture de nouveaux récits et la réalisation de ces récits en fiction pour faire des... je me présente comme une créatrice de fiction au service des transitions à entendre transition écologique, sociale et démocratique. Et donc là, justement, tu es à un festival du court-métrage, tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça veut dire? Comment tu te sens par rapport à ça? Et pourquoi tu y es aussi? Qu'est-ce que tu défends là-bas? Écoute, je suis venue pour double raison. La première, c'est de m'inspirer pour regarder qu'est-ce qui se fait, quel est un peu le pouls de ce dont les gens ont envie de parler en ce moment. Et puis pour voir des films, c'est un plaisir et j'adore le format du court-métrage. Donc le festival de Clermont, c'est en effet un festival du film de court et c'est l'un des plus gros festivals d'Europe sur le court-métrage. C'est très réputé. Et l'autre, il y a une autre raison pour laquelle je suis ici, c'est que je viens défendre les projets que j'ai en gestation et pour lesquels je cherche des partenaires pour m'accompagner, parce que faire un film, en fait, je me rends compte que c'est beaucoup de temps, d'argent et d'organisation. Et donc, du coup, voilà, je suis venue aussi pour rencontrer des gens pour m'accompagner dans ces projets. Et alors, justement, tu dis que tu viens tâter un peu le pouls de ces récits, de ce qui se fait là en ce moment, sur les questions du court-métrage notamment, à Clermont, et qu'est-ce que ça donne? Alors, écoute, à ma grande surprise, après, il y a une ligne édito à Clermont, c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est très marqué sur le drame social, drame familial, c'est très présent. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sujets engagés sur justement cet aspect social. Par contre, à part une sélection Canal+ qui porte qui s'appelle On s'adapte, j'ai trouvé que l'écologie était très peu présente, à vrai dire. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je pense qu'il y a du, on a, il y a du boulot en fait. Il y a des nouveaux récits à amener. Il y a des choses à raconter pour justement donner envie, parce que si c'est absent de nos représentations, d'une certaine manière, bah, ça contribue à faire pas trop exister ce sujet dans la culture commune, dans l'imaginaire collectif, et ça déplace pas les foules, quoi. Alors que je pense que on a cruellement besoin de que tout le monde se bouge sur le sujet et de générer en fait vraiment une alarme populaire massive afin de faire bouger les lignes auprès de nos politiques et des entreprises qui font aujourd'hui un peu trop la pluie et le beau temps, quoi. Justement, tu vois, tu parles des entreprises qui font la pluie et le beau temps, tu parles des politiques. On est là maintenant avec les experts qui nous disent qu'on doit dépasser une bonne fois pour toutes cette organisation capitalistique où, en fait, le vivant, il peut pas être seulement utilisé pour être une ressource de génération de Et croissance économique, exploiter, de bien revenus, sûr. etc., etc. Avec, bah, du coup, tu parles là, voilà, de cette pression sociale, hein, tu parlais de pression sur les familles, tu parles de cette violence qu'on voit au quotidien. Comment on fait pour parler de tout ça, pour le raccrocher à l'écologie? Comment on le fait pour, en plus, le faire? Toi, tu as décidé de le faire quand même avec de l'humour, avec de la joie. Tu as des vidéos qui sont en général décalées, qui nous font nous sentir à la fois, bah, avec un effet miroir un peu de oula, attends, mais moi j'oserais jamais faire ça, ou mais ça a l'air trop bien, elle a l'air de se sentir tellement bien dans sa peau, dans son corps, et ça donne envie de s'y mettre. Comment tu c'est quoi toi ta ligne de crête, c'est quoi le mouvement qui t'anime derrière, comment tu fais pour jongler avec tout ça? C'est une bonne question. Je t'avoue, je n'ai pas forcément conscientisé le comment. Moi, ce qui m'anime, en fait, c'est d'essayer de rendre visible des manières de vivre, des manières de se relier et des manières d'être au monde qui améliorent les choses, qui aggradent le sol. Qui tissent du lien, tu vois. Et en fait, j'ai envie de montrer ça parce que j'ai la grande chance, et je crois qu'on se rejoint là-dessus, c'est que quand je t'entends dire, moi, je vis déjà en 2030 glorieuse, moi, je partage un peu ce sentiment et j'ai la grande chance de pouvoir dire, moi, je suis entourée de personnes, d'acteurs et d'actrices du changement qui portent des initiatives qui sont incroyables, en fait, et qui sont pour moi déjà porteuse en fait de ce à quoi on pourrait aspirer si on s'y mettait à plusieurs et si on donnait de l'ampleur et si on donnait de la visibilité pour sortir complètement du modèle capitaliste patriarcal colonialiste dans lequel nous sommes. Et j'ai envie de montrer que ben, ces alternatives-là, non seulement elles fonctionnent, mais elles sont désirables. Et elle m'amène, moi, beaucoup de joie et j'ai envie de transmettre cette joie parce que quand je suis heureuse, j'ai envie de le partager, tout simplement. Et je me dis, là, je vis des trucs et je me dis, c'est ouf, mais c'est tellement bien, mais j'aurais jamais imaginé que ça puisse fonctionner et tout. Et en fait, du coup, bah, un peu à la manière de, il t'arrive un truc cool, t'as envie de le partager avec tes proches, avec les gens que t'aimes. Bah moi c'est un peu ce même réflexe que j'ai auprès de ma communauté quoi. Parce que je sais aussi que c'est en faisant ensemble qu'on est plus fort, qu'on peut vraiment trouver des relais d'énergie, des sources d'inspiration et voilà, et du coup c'est ça qui me met en mouvement. Et pourquoi l'humour, pourquoi ce côté décalé, franchement, c'est, je sais pas, c'est ma manière de l'exprimer. C'est pas forcément ce à quoi d'ailleurs je suis forcément la plus sensible. Moi, je pense que je réagis très fort à des discours qui sont plus alarmistes, plus colériques, etc. Mais c'est un peu comme le langage de l'amour, tu sais, celui que tu reçois, et c'est pas forcément celui que tu donnes, tu vois. Et donc du coup voilà. Et moi, je me suis dit, je pense qu'il est toujours important dans les mouvements de se challenger, d'essayer d'être. Enfin, je fais pas du tout l'apologie de la pureté militante, mais d'avoir un côté, comment on fait mieux, comment on se challenge dans nos luttes. Et en même temps, je pense qu'il y a une telle nécessité de massifier des mouvements de transformation que moi j'ai envie de me situer à ce niveau-là, à ce tipping point où on bascule dans une transformation globale qui entraîne tout le monde. Sans laisser de personnes sur le carreau, sans laisser de laisser pour compte, et qui en même temps est massif parce qu'on a besoin d'être non pas quelques personnes convaincues, mais des milliers et des millions en fait. J'ai Ce qui est l'impression déjà qu'on le se cas, hein. retrouve vachement là-dessus, Camille. Et du coup, j'aimerais bien écouter ta réponse parce que ça va peut-être m'aider aussi à mûrir la mienne de réponse. Pourquoi tu fais ce que tu dis là, tu vois? Pourquoi toi, t'es le relais entre les personnes qui sont plus expertes, qui peuvent potentiellement être plus radicales dans leur point de vue? Pourquoi et qui, en plus, te parle avec une fibre qui, toi, te touche plus? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est parce que tu as l'impression de ne pas te sentir légitime pour être avec une prise de parole plus osée, pointue, ou est-ce que c'est parce que, je sais pas, tu as cette empathie qui fait que tu sens qu'il y a plein de gens qui, pour l'instant, n'ont pas réussi encore à enclencher ce mouvement et que tu as envie de leur tendre des perches? Ah ouais, c'est clairement pour ça. Je pense que quand je suis dans l'intimité, entre guillemets, entourée de personnes plus expertes, plus radicales, plus révolutionnaires, et en fait, je suis même pas sûre qu'elles le soient plus, en fait, parce que justement, je trouve une forme de résonance très très forte, et on pourrait presque être surpris de mes prises de position, tu vois. Mais je pense que le fait que j'ai envie de me situer là, c'est que je me rappelle d'où je viens, en fait. Et je sais que moi, j'ai eu besoin d'y aller, enfin, qu'on me prenne par la main, qu'on m'explique le béaba, et qu'ensuite on me fasse l'alphabet, et qu'ensuite on me le traduise dans plein de langues, en fait. Et du coup, j'ai envie d'offrir ça aux personnes parce qu'il n'y a rien qui. En fait, c'est vraiment un ressenti, mais il n'y a rien qui me fait plus de peine que quand j'ai des amis, tu vois, qui me disent ah mais toi, t'es vachement engagé, moi je pourrais jamais être à ce niveau-là, alors que j'ai l'impression justement d'essayer d'offrir une première marche en fait, d'offrir un premier niveau d'engagement. Et quand j'entends ça, je me dis oulala, on est en train de passer à côté complètement de justement la manne de la puissance en fait de transformation, la puissance humaine dont on a besoin pour amener un bouleversement. Et du coup c'est pour ça que je me dis c'est là qu'il y a du boulot. Mais en fait, il y a du boulot à toutes les étapes de la transformation. Il y en a pour tout le monde, quoi. Et donc du coup voilà, c'est un peu mon parti pris. Peut-être aussi que ce parti pris, si je suis honnête, tu vois, il m'a même une forme de confort aussi, parce que c'est plus simple de prendre les gens par la main que d'aller aussi se challenger, à se torturer l'esprit, tu vois, dans tous les sens. Même si je veux me plier à l'exercice parce qu'il est important. Et prendre conscience de ses privilèges, c'est important, et de se questionner sur qui on est, où on va, et la chance que l'on a de faire ce que l'on fait, tu vois. Et en même temps, bah oui, c'est peut-être un peu plus joyeux d'y aller pas à pas. Donc voilà, si je dois te faire une réponse critique et tout à fait honnête, un peu plus sombre. Non, mais ça me parle et moi, ça me pose la question aussi de la place du doute dans nos démarches. On avance, on nous donne la parole, on a envie de l'apprendre, on a envie de, effectivement, de témoigner de son parcours d'éveil, parce que moi, j'ai, d'une certaine manière, je pense que maintenant, j'aurais tendance à dire que j'ai de la chance d'être parti d'une situation où ma famille, en fait, n'était pas politisée, où j'avais pas ces concepts qui m'étaient apportés et il a fallu que, en fait, j'allais le vivre à l'étranger, que je le vive dans ma chair pour me rendre compte de tout. Bah voilà, c'est le fait que les ressources, toutes ces ressources, toutes les ressources du vivant que nous sommes aussi, on soit, bah ouais, mis au service de cette croissance éternelle. À chaque fois, tu vois, plus j'avance, plus je me dis, mais au début, forcément, tu sais, à chaque fois, j'oublie le nom de cet effet, mais quand tu rentres sur un sujet, tout d'un coup, tu as l'impression de tout savoir. Et puis, en fait, après, plus Oui, tu creuses, c'est Dunning-Kruger, je crois, si je c'est me, ça. hein, c'est ça. Hein. Et plus Oui, tu je crois creuses, que c'est plus tu ça. creuses, et plus tu te rends compte à quel point tu sais pas. Moi, maintenant, j'ai bien, bien compris que je ne savais pas grand-chose. Comment tu fais pour laisser de la place au doute? Comment tu fais quand même pour, bah, voilà, continuer à nourrir cette action, nourrir tes récits? Et pas être paralysé, parce que tu produis pas mal de contenu, tu prends souvent la parole, tu pourrais passer ton temps pétrifié à t'enfermer dans ta chambre pour lire plein de choses, parce que ça a Je l'air vais d'être sans répondre à la. fin. Oui, mais c'est sans fin et je pense que y a deux choses. Sur la question de la posture et de se rendre compte que l'on ne sait pas, pour moi, c'est assez facile de rester humble par rapport à ça parce que, un, je me perçois comme une éternelle apprenante. Et ensuite, il suffit de se décentrer un tout petit peu. Ne serait-ce que de son pays, de sa culture, pour se rendre compte que, enfin, même pas de son pays. Tu sais quoi? Même déjà parler comme j'ai commencé à le faire au début de mon engagement de zéro déchet à Paris, c'est rigolo pour quelqu'un qui habite à la campagne, tu vois. En fait, c'est en mode, ok, elle va nous apprendre l'écologie, la petite citadine là, tu vois. Et ensuite, plus tu disais, et ensuite aller parler d'écologie à des Indiens d'Amazonie, tu vois, c'est rigolo aussi, tu vois. Genre, en fait, à partir du moment où tu te rends compte que déjà tout est vu sous un prisme, toutes nos expériences sont vues sous un prisme, et que on a tellement plus à apprendre des autres et qui savent vraiment et qui ont une autre expérience et une expérience peut-être empirique et bien plus sage que la nôtre et plus juste aussi. Et donc ça, c'est une première chose. Donc moi, au contraire, je me nourris de ça pour pour connaître, enfin, je sais pas, genre être à une posture juste, tu vois, et humble. Et ensuite, sur le fait de rester pétrifié par ce qui se passe, en vrai, c'est le cas. C'est le cas systématiquement, dans le sens où, bon, tu vois, on a pu parler avec d'éco-anxiété, de solastalgie, et donc, du coup, de passer régulièrement dans le petit cercle infini du processus du deuil et tout. Moi, j'en suis jamais sortie. En fait, c'est des processus, c'est des émotions qui continuent de me traverser. Néanmoins, parce que j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai aussi appris à mettre en place pour ma santé mentale et pour continuer à être dans l'action des filets de sécurité. Et ces filets de sécurité, c'est ceux qui me préviennent de sombrer dans une grande crise d'éco-anxiété ou alors de continuer à me mettre en mouvement et à entraîner avec moi. Tu vois? Je pense que c'est vraiment ce système de je sais comment aller je sais comment aller me reposer, je sais auprès de qui trouver de la force et de l'inspiration. Et je sais quoi faire pour aller de l'avant. Et je pense que c'est un peu ces petites activités-là qui font que je reste pas tétanisée et pétrifiée. Et justement, tu parlais de mise en mouvement, Camille. Je te bombarde de questions, mais c'est le jeu de l'échange sur Instagram. Tu dis que tu es un peu rentré, si je me trompe pas, quand même, par cette porte du zéro déchet, à Paris. Et puis, c'est vrai que de plus en plus, ensuite, la place de la femme dans notre société, a pris de la place, dans ton message. Comment t'as relié tout ça et, comment tu expliques ce parcours-là? C'est très intéressant comme question. Je pense que la première connexion que j'ai fait, en gros, c'est en m'intéressant aux questions féministes, antiracistes, que je me suis dit, ah, mais tiens, c'est intéressant de voir qu'en fait, l'origine des mots est la même et que les mécanismes sont les mêmes. Donc ça a été une première forme de prise de conscience, de me dire que quelque part ce sont des dispositifs destructeurs, nocifs et de domination, mais qui se nourrissent les uns les autres. Et donc du coup, c'est un peu l'hydre à trois têtes, tu vois. Si tu en coupes une, il y en a encore deux. Donc du coup, enfin ou peut-être pas forcément la meilleure, c'est peut-être plutôt un cerbère, tu vois, genre la métaphore que je J'ai devrais compris prendre. l'idée. Mais voilà. Et donc du coup c'est du coup cette nécessité, si on veut vraiment s'attaquer au problème, de le prendre dans son ensemble. Ça, c'est l'une des premières raisons et pourquoi ce message est devenu un peu plus multifacette, un peu plus complexe, mais parce qu'en fait le sujet est complexe, parce que les problèmes sont complexes et que du coup il faut les aborder au maximum avec cette vision complexe aussi. Et ensuite, est-ce que j'ai pu voir que l'écologie et pour l'écologie, en fait, tu pouvais assez facilement et rapidement tomber dans des extrêmes enfin, c'est des sujets qui traversent les mouvements et qui ont été largement traités, mais la bonne dictature verte, en fait, elle est assez simple à mettre en place. Et en me rendant compte de ça, moi, ça m'a fait très peur et je me suis dit, en fait, on peut pas avoir simplement dans le radar la lutte contre le déclin de la biodiversité si c'est au prix de l'écrasement d'hommes et de femmes, de minorités, voilà, c'est pas compatible. Et tu sais quoi, même moi, enfin, ça m'est arrivé de me dire, mais si c'est ça un monde écolo, mais en fait j'en veux pas, tu vois. Mais on peut bien, genre voir la sixième extinction se faire dans le sens où, a priori, la Terre, elle nous survivra, elle a encore Je suis même sûr. la même durée de son année à continuer. Enfin, on n'est qu'à la moitié de la durée de vie de la Terre actuellement, tu vois. Et des espèces, il y en aura d'autres, hein, tu vois. Ce sera juste pas nous. Donc, tu vois, il y a aussi cette notion de se dire, si on se transforme, c'est pour faire une véritable évolution et pour vraiment se tirer vers le haut avec cette approche un peu holistique et plus sensible par rapport au vivant, quoi. Mais dans son ensemble. Camille, il y a une autre chose que j'aimerais évoquer avec toi. Je continue avec les questions que j'avais quand même en tête parce que ça attise ma curiosité et j'aimerais enfin pouvoir avoir des réponses par rapport à ça. Parce qu'en fait, on se croise souvent, on raconte plein de choses, mais on va pas dans cette profondeur-là qui, moi, m'intéresse. Tu étais dans l'action. Effectivement, tu portais ces sujets du zéro déchet, on l'a dit. Et puis, petit à petit, tu as commencé à faire des vidéos de sensibilisation, des vidéos sur justement cette nécessité de faire émerger des imaginaires, ce qui est le cœur de cet entretien. Qu'est-ce qui t'a fait shifter. Qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que l'action pouvait être aussi alimentée par voilà le fait de faire émerger ces récits, le fait de raconter ton changement. Et ce qui fait en fait maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est quasiment l'essentiel de ton parcours, c'est le fait de faire émerger ces nouveaux récits. Et après, moi, j'ai vraiment vraiment envie que tu me racontes là ce que tu fais à Clermont-Ferrand et tes projets à venir. Peut-être qu'on a le droit de parler de ça après, non? Tu auras des Yes, trucs à me dire? carrément, carrément. Ouais, carrément. En fait, moi, le constat, il partait un peu du fait que sur le terrain, dans les actions de désobéissance civile, par exemple, En fait, je me même dans des actions qu'on pourrait imaginer, genre pour pouvoir faire des actions vraiment pour chambouler le système tel qu'il est aujourd'hui, tu vois, on a besoin de personnes pour se lancer dans l'action et dans les actions de désobéissance civile aussi, tu vois, par Ouais, je exemple. pense qu'on a Et besoin de massifier, ouais. Je dirais que notre c'est ça. objectif, il est là, ouais. Et du coup, aujourd'hui, enfin, pour rentrer dans cette action, on a besoin d'avoir envie d'y aller pour massifier le mouvement. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de se mettre en action parce que le contexte environnant fait que, qui sont les premiers impactés par le dérèglement climatique. Mais ensuite, je pense que pour qu'on se mette tous en action, on a besoin de pouvoir penser collectivement des formes de société différentes. On a besoin de pouvoir les rêver et on a besoin de les rendre désirables dans ce qu'elles ont dans la notion un peu noble du rêve et du désir dans le sens du rêve lucide, tu vois, du désir noble mais du rêve lucide aussi. Et aujourd'hui, malheureusement, on est abreuvé de discours, de représentations, d'images qui constituent ce qu'on appelle le soft power, tu vois, et Bien qui en sûr. plus aujourd'hui, il y a Amazon qui est en train de faire une OPA massive sur toutes les chaînes de distribution qui viennent directement construire nos imaginaires, tu vois, et en fait ça Et Bolloré qui fait contribue. pareil pour les bouquins, hein. Il fait pareil pour les maisons Exactement, d'édition, hein. exactement, exactement, exactement. Et en fait ça contribue à alimenter en fait la machine capitaliste patriarcale et colonialiste parce que ça nos on continue à se mettre au centre de l'univers du monde et de se dire que en fait ce qui nous entoure est une ressource à notre disposition et que oui on va pouvoir tout sauver en faisant de la croissance verte en prenant un avion électrique et en plantant des éoliennes partout tu vois et ça c'est ces messages-là les gens y croient quand on leur matraque ça à longueur de journée dans la tête tu vois et je pense qu'en fait, on a besoin de changer nos représentations si on a envie que nos luttes et nos révolutions, pas ça, c'est pas c'est la poule ou l'œuf quoi. Mais les deux pour moi s'auto-alimentent Absolument. énormément. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, je pense que même au-delà des récits, on a besoin de construire même des nouvelles mythologies, des nouveaux rituels qui sortent de la machine capitaliste. Tu vois, ou alors de la doctrine religieuse mais dogmatique, tu vois. Et parce que en fait, nos sociétés, qu'on le veuille ou non, sont basées, sont construites sur des récits communs, sur une culture commune qui nous relie, voilà, et qui nous donne à nous penser en tant que société. Et je me suis rendu compte que à mon échelle, j'avais l'impression que mes actions, que mon militantisme, eh ben, arrivait à un moment où il devenait niche, il trouvait des murs parce que autour de moi, il n'y avait pas un discours qui embarquait en fait. Tu vois, genre ça m'est déjà arrivé de juste poser cette question bête, enfin, pour toi, elle va paraître bête, mais sur le coup, la personne que j'avais en face de moi, c'était un date Tinder, ce qui, vraiment, je remets le contexte, c'est important parce que du coup, il n'y avait pas eu de filtre, on est dans le réseau écolo militant, non, non, tu vois, pas du tout, c'était vraiment purement un swipe, quoi. Et cette personne-là, je commence à lui parler de tout ça et je lui dis, bah, tu vois, par exemple, pour toi, ce serait quoi une société qui soit une société non capitaliste? Comment on vit, comment on s'organise, comment on mange, comment on fait des lois, enfin tout ça quoi. Et là, genre, il y a un blanc, mais genre un long blanc. C'est-à-dire que je vois en face de moi que cette personne, son esprit cherche, mais n'a aucun moyen de se raccrocher à quelque chose d'alternatif, d'existant pour répondre à cette question, tu vois. Et en fait, là, je me suis dit, ok, en fait, il y a un problème. Je dis pas qu'il faut un seul exemple alternatif, parce que au contraire, on en a besoin de centaines, mais on a besoin en fait qu'ils existent, qu'ils soient visibles et qu'ils soient désirables, tu vois. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, moi j'adore raconter des histoires, j'adore emporter les gens avec moi. Et ben du coup, vas-y, je vais me lancer là-dedans. Et j'ai envie d'entraîner avec moi plein de personnes pour qu'on soit justement plein à raconter notre vision du futur. Et donc là, justement, tu es à Clermont, tu rencontres des gens, tu leur parles de tes projets. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Il y a peut-être des personnes qui cherchent à financer et à produire des films parmi nous, non? Ouais, bah écoute, je vais te donner un exemple du projet que je suis venue pitcher ici, et qui est plus un projet féministe pour le coup. Enfin, c'est même un projet qui est pour moi très féministe. Mais c'est en gros le projet que je suis venue pitcher, c'est je veux faire un film érotique sur le consentement, c'est-à-dire où tout l'érotisme est donné au consentement. Et non plus à l'acte ou à certaines parties génitales, tu vois. Et en fait, ce serait le renverser complètement les codes de cet univers-là et d'ailleurs le point de vue également pour essayer de passer d'une culture du viol à une culture du consentement. Parce que je pense qu'en fait, le consentement aujourd'hui, non seulement les gens ne savent pas forcément ce que c'est, mais en plus dans notre société patriarcale et sexiste, quand on a compris que le consentement, s'il était brisé, s'il n'était pas respecté, on pouvait avoir des petits problèmes avec la justice, dans le meilleur des cas d'ailleurs, c'est pas tout le temps le cas, mais du coup, bah, c'est devenu, on lui a fait mauvaise presse, tu vois, c'est devenu un casseur d'ambiance, c'est devenu un tue le romantisme, tue l'amour, genre frein aux élans passionnés, Oui, à passionnels. tel point que si je dis Mais, pas de bêtises, il y a même eu une application aux États-Unis qu'ils ont essayé de faire fonctionner comme ça pour donner ton consentement au exactement. début de l'acte, hein. Exactement. Et ben ça, typiquement, personne n'a envie de vivre ce genre d'expérience, déjà. Et puis en plus, ça ne valide même pas un consentement, Bah oui, étant parce que donné c'est que le changeant. consentement, il faut qu'il soit révocable. Pour qu'un consentement soit valide, en effet, il faut qu'il soit révocable. Bref. Et donc, du coup, mon but, c'est de revenir rendre ces lettres de noblesse au consentement, et venir montrer toute la charge érotique et toute la multidimensionnalité qu'a le consentement. Et voilà, du coup, je suis venue pitcher ça, donc je te raconte pas quand tu commences à parler aux gens, aux producteurs, et que tu leur dis, alors moi, je veux faire un film érotique sur le consentement. C'est assez rigolo, les réactions. C'est vrai. Ah non, moi j'aurais tendance à dire que c'est complètement à la fois suffisamment novateur pour intéresser, mais complètement dans l'air du temps pour pas les faire paniquer, non? Non. Écoute, le futur le dira, hein. Ah ouais. Voilà, non, mais tu sens que c'est pas une évidence pour tout le monde, tu vois. Alors que justement, moi, j'ai plutôt tendance à leur dire, en fait, aujourd'hui, la notion de consentement, elle est complètement absente de nos écrans. Elle n'existe pas. En fait, c'est pas représenté le consentement dans les scènes d'amour telles qu'on les voit sur nos écrans ou au cinéma. Absolument. À part quelques très rares exemples de niche, mais là, faut vraiment être sacrément militant pour aller les chercher. Lesquels, par exemple, t'en as en tête? Parce que moi, j'en ai même pas qui me viennent en tête là. Ouais, tu vas avoir des films produits par exemple par Erik Alust ou Olympe de Gé. Ok. Mais on tombe même encore dans un autre domaine parce qu'on est carrément dans le film pornographique, tu Ok. vois. Mais voilà. Et ensuite, enfin, c'est absent de nos écrans, mais par contre, on a tous en tête, c'est le moment passionnel où le mec claque la fille contre le mur, l'attrape et la déshabille, elle lui dit non, mais en fait, c'est un Elle lui oui, dit tu oui, vois. Et bien genre sûr. ça, voilà, et ça, c'est ça qu'on a en tête. Et Bien sûr. c'est dramatique, c'est Han Solo et dramatique la quand même. princesse Leia dans Star Wars, elle en Exactement. avait quelques années, bien sûr. Exactement. Et donc, bon, voilà, donc du coup, petite digression sur les sujets féministes, mais voilà. Donc c'est en effet ce à quoi j'ai envie de contribuer, c'est de nous montrer d'autres choses. Parce que non, le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme sont des faits, mais sont aussi, pour moi, des récits. Voilà. Ou en tout cas, ils arrivent à maintenir le sentiment qu'il n'y a pas d'alternative grâce à ces récits, et ils arrivent à coloniser le monde aussi, notamment grâce à tous ces films qu'on voit à l'autre bout de la planète. Moi, je l'ai beaucoup vécu, notamment aux Philippines, où je voyais que, en fait, des jeunes, c'est vrai, dans des pays qui ont de toute manière une histoire coloniale qui est terrible et une présence américaine, etc., etc., vivaient aussi à travers les séries, à travers le cinéma, cette envie d'exister socialement à travers le matérialisme qui, du coup, leur était imposé beaucoup plus facilement. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une part il y a une part des leviers à tirer qui sont à ce niveau-là. Je reviens un tout petit peu en arrière, Camille, parce que là, on parle, tu vois, de porno éthique, comme ça a été dit dans les commentaires. Tu as fait une vidéo il y a quelques jours, quelques semaines, là, où tu montrais ton inconfort à la révéler. Elle a fait des dizaines de milliers de vues, ta vidéo. Là, elle est en train de cartonner sur les réseaux. Il y a pas mal non, pas mal, il y a énormément de commentaires positifs qui tournent aussi. Comment tu oses te mettre en scène par rapport à ça, sortir de ta zone de confort aussi pour justement alimenter ce message et puis le faire ressentir à d'autres personnes pour leur donner envie de le faire? Est-ce que tu penses que cette personnification, elle sert ou au contraire qu'elle enferme les gens parce qu'eux se disent, bah non, attends, si Camille, elle y arrive, moi, j'y arriverai jamais. Et donc, du coup, d'une certaine manière, en te dépassant comme ça, tu inhibes un peu les autres. C'est une bonne question à laquelle honnêtement, je suis pas sûre d'avoir la réponse parce que je pense que à travers la personnification sur les réseaux sociaux, tu marches toujours un peu sur un fil. C'est-à-dire que soit c'est pour moi bénéfique dans le sens où on peut s'identifier et on se dit si cette nana moi, je suis vraiment, je pense, pour ma communauté, the girl next door. Tu vois, genre vraiment, je suis la voisine hyper banale et je pense qu'ils se disent si elle peut faire ça, du coup, c'est accessible pour moi. Et l'autre versant de la crête, c'est de se dire, ben en fait, elle peut faire ça parce que, je sais pas, parce que on a une forme de projection de qui je suis, ce que je fais, parce qu'on ne voit évidemment que une partie immergée de l'iceberg. Et voilà, donc on a un peu là-dessus. Je sais pas si c'est vraiment in fine aussi bénéfique que ça. Et après, comment je fais? En fait, c'est un processus qui pour moi, enfin d'abord un processus. Comment dire, de déconstruction personnelle. C'est d'abord un travail personnel, en fait, où je me sers de l'artistique pour, enfin, oui, je me sers d'une approche créative et artistique pour me donner le courage de me déconstruire. Hein. Et une fois que ce travail-là, il est fait, je me dis, c'est là que, genre, je passe à un basculement du je au nous, et où je me dis si j'y arrive et si je peux le faire. Bah, peut-être que y a deux trois personnes qui vont se rendre compte qu'elles peuvent le faire aussi et du coup ça part un peu comme ça mais à la base c'est plus une manière de moi-même comment dire ouais enfin de faire un travail sur moi et de me montrer de me prouver à moi-même que c'est possible tu vois ouais. Du coup, ça fait assez auto-centré, je trouve, ce que je suis en train de raconter. Mais c'est comment j'ouvre une brèche et je pars en exploratrice, tu vois. Et derrière, je le donne à voir. Et après, tu prends pas. Voilà, ça t'inspire ou non, mais en tout cas, ça existe. Mais à chaque fois, tu sais, je lance quelque chose comme ça, un peu dans la grande sphère de l'internet et je sais pas du tout ce qui va se passer, je sais pas du tout comment ça va être reçu et comment ça va parler et c'est pour moi du coup toujours extrêmement touchant et émouvant de voir que ça rencontre un écho en fait. Moi, j'ai regardé quelques Parce que commentaires, j'ai pas scrollé sur tous les commentaires, mais c'est quand même assez dingue. ouais, non mais c'est ouf. En vrai, c'est ouf et moi ça m'encourage à me dire si ça fait du bien. Bah du coup j'ai envie de recommencer tu vois et quelque part je pense que du fait de l'existence de réponses en écho ça me pousse à toujours avancer dans ce sens-là à peut-être à un rythme plus rapide parce que je me dis je le fais pas que pour moi je le fais aussi pour potentiellement d'autres femmes d'autres hommes et du coup Ben, je sais pas, je suis vachement plus motivée quand c'est pas que pour ma gueule, quoi. Et dans ce sens-là, je trouve que les réseaux sociaux, quand ils sont utilisés comme tu le fais intelligemment, ils permettent bah, de créer ce beau sentiment de communauté et de s'auto-alimenter. C'est ce que tu vis, toi. C'est pour l'instant ton bilan réseaux sociaux reste positif malgré, j'imagine aussi, de nombreuses attaques, du contenu qui peut peut-être aussi te faire scroller des demi-heures sans que tu t'en rendes compte. Bah oui, écoute, après j'essaye de justement, moi je pense que mon bilan réseaux sociaux il est positif tant que, enfin en soi il y a une dissonance fondamentale parce que à partir du, pour moi les réseaux sociaux, enfin comment dire, mon travail, mon bilan il sera positif quand les réseaux sociaux auront disparu, tu vois. Mais on sera tous passés sur des pires tubes ou encore même mieux qu'on se Donc, passera ouais, juste c'est ça, qui de sont pas connexion utilisés Internet. pour vendre nos données, en fait, et qu'ils permettront Non, vraiment de exactement. faire ce que Internet était créé pour, Exactement. je vais refaire ma phrase, ce pourquoi Internet a été créé à la base, c'est-à-dire recréer du lien entre les gens, leur permettre de diffuser la connaissance, avec la Ouais, fonction du libre carrément. par essence. Carrément. Et donc, du coup, bon, au-delà de ça, moi, je me dis, tant que je réussis à pouvoir justement laisser mon téléphone de côté pendant des jours, des semaines, des mois, parce que je suis au contraire, bah, dans le réel, sur le terrain, dans des actions, dans des écolieux, dans des tiers-lieux, en train de construire du collectif, et juste d'utiliser enfin, cet amplificateur qui est le réseau social pour donner à voir, pour partager, pour transmettre ce genre d'expérience. Bah, à ce moment-là, c'est positif. Si le jour où j'arrive pas à déconnecter, décrocher, bah, je m'en mettrai un peu en question, quoi, tu vois. Mais pour l'instant, je me dis que c'est plutôt chouette de pouvoir justement rendre accessible à de nombreuses personnes des choses dont elles n'auraient jamais entendu parler. Et je parle en particulier, par exemple, enfin, je pense à un commentaire qu'on m'a fait il y a pas longtemps, mais on m'a dit merci Camille pour toutes les formations tiers-lieux et écolieux que tu nous fais découvrir. J'avais même pas idée que ça pouvait exister, tu vois. Genre j'ai fait connaître une, enfin j'ai parlé d'une formation à la gouvernance partagée. Les personnes étaient en mode what? Et je leur ai expliqué le principe de participation consciente comme modèle de financement que tu connais. Il y avait plein de personnes qui s'imaginent même pas que genre on pouvait envisager de d'avoir ce genre de d'échange financier sous cette forme-là, quoi, tu vois. Et donc du coup voilà, et en fait c'est la continuité, faire des films, compter des nouveaux récits, pour moi c'est la continuité de ça qui passait à la base par juste des représentations et des images. Mais je dis ok, en fait au-delà de maintenant mettre des images, j'ai envie de plonger dans un univers pour permettre justement au cerveau d'avoir cette petite béquille, cette première petite marche pour se projeter. Mais tout ça étant nourri le but c'est pas de se faire un peu de branlette intellectuelle, pardonne-moi l'expression, tu vois, genre dans son coin, entre blancs privilégiés, genre CSP, etc. Mais d'avoir aussi que ça se soit basé sur, que ces récits soient alimentés sur une base d'existant. Et là, je prêche un convaincu, je le sais bien, parce que c'est Carrément. exactement ce que tu fais avec 2030 Glorieuse, quoi, tu vois. Mais vraiment s'inscrire à partir du futur qui est déjà là, en fait, qui est déjà là comme des petites graines qui sont en train de pousser, ou comme des laboratoires de demain, tu vois, pour essayer de faire émerger de ça genre un véritable univers, quoi. Salut Camille, ciao. Salut, à bientôt. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!